Lay the producer. Plus cramé de canon. Mon cœur, tu veux sonner en faisant danser. Mon cœur, je veux sonner. Laisse-moi t'enlacer. Chui. Et tout ça ne m'atteint pas. Chui. Oh, toi, t'es comme ça. Chui. Arrête-moi tous tes blabla. Et tu savais dès que tu m'as vu. J'ai senti ton regard posé sur moi depuis ta l'heure. Je t'ai pas demandé la lune. Apaise ton cœur, dis-moi pourquoi t'es en colère. Je fais de la dé, je t'en fais voir de toutes les couleurs. Congolais, on reçoit jamais à l'heure. N'écoute pas ta copine, je suis pas dans les bails noirs. Elles font la gueule, je check le videur. Jarabi, je sais que t'aimes quand ça blesse. Blesse toute la vie, je t'aimerai jusqu'à die. Jarabi, je sais que t'aimes quand ça blesse. Toute la vie, je t'aimerai jusqu'à die. Mon cœur, tu veux sonner.